Backup Beat Maker. 7-7-1. On est vif, on est revif. Demande à mon pote Amine quand ça va mal, il faut du bif. Ah ouais, c'est les vitamines. Veulent nous vacciner comme des yens, c'est très bien que c'est pas logique. Et ouais, c'est moi qui avais la chemise dans freestyle d'anthologie. C'est le grand classico, je mouille le maillot pour le J. On a tous refait les chicots, on met sur la technologie. Légalement, oui, légalement, on crame l'oseille n'importe comment. Y'a des camos devant le stud, font le prix dans l'appartement. J'ai plein de Rolex, mais j'ai pas le temps. J'killard les keufs en boitant. Aujourd'hui, j'ai fumé trop de verre dans mon cerveau, c'est le printemps. Ça peut se finir en pain de sang, tout ça juste pour un pain de sang. Nous, frères, on est titulaires, on va pas jouer les remplaçants. J'aime l'air d'eux et les pastas, les casses et les casse dalles. Mes photos sont pas stables, t'es costaud, j'te castagne. Une photo, j'suis resta, la coco ne touche pas. J'ai vovo, une fiesta, dans le bendo, je fête ça. Les bico, les rasta, les blanco, les rabza. Une moto, tu passes pas, un couteau et basta. Une photo, j'te baisse pas, 20 kilos, j'te laisse pas. C'est trop chaud, ne reste pas, j'vais mollo, j'me presse pas. La boco, les messes passent, j'suis coco, je laisse pas. Une vovo, une impasse, j'm'en vovo dans l'espace. Tu m'coco, ne teste pas, j'te coco, tu pèses pas. Et coco, du casta, j'suis KO, j'suis gangsta. Et ne parle pas des gens, tu sais pas ce qui peut t'arriver dans la vie. Tu es devenu bizarre, pourquoi tu fais comme ça, non, tu es c'est pas mon ami. Lol, n'importe qui peut te faire la peau. L'alcool c'est pas de l'eau, ça peut te tirer dans le dos. Tonton, jogging, coton, grosse team, gros son, cristalline, potion, one love, massilia, comme une ville d'adoption, une funky familia. Yay, yeah. C'est l'heure du classico, j'suis pas français, j'suis pas ego. J'trouve l'inspi au bistrot, j'réponds pas au bigo. Occupé à me dérégler, le cœur lourd, j'te mens quand j'te dis que c'est léger. J'ai, yeah. Si tu m'écoutais dans mon jardin secret, tous les moments des rêves, tous les hommes ont des regrets. La limite c'est le mur, j'ai besoin de vérifier si j'ai bien la tête dure. Tu vas pas revoir ça de sitôt, te casse Mino. C'est Marseille et Paname, le grand classico. Débarque dans le top comme Despacito. Le hip-hop c'est un cadavre et je suis un astico. À l'aise en business comme en classico. Pas la sous Algeco, j'ai le feeling ma gueule. Bolly Waddle. J'écoute pas les conseils à part ceux de mon ami Pone. J'cours que pour l'oseille ou les cris dans le babyphone. Dédicace à toutes les zones des bouches du Rhône à l'IDF. Don't show his back comme Karim Benzema en EDF. Déstress, on se dépêche, vider la caisse. Partage de bénéf, yes, le J c'est le S. Moi c'est GER en mode SNIPER. Si j'étais de Paris, j'aurais vendu de la peau dans le RER. Je roule en GTR, ça se tire dessus comme dans GTA. Dans la rue, beaucoup d'acteurs sans banque à faire du théâtre. Je pilote comme Statan, Hamdoula, j'ai pas pris de patane. Nerveux comme Statan, tu parles de rafale, t'as pas d'armes. J'ai pas des étoiles, j'pense au poteau là-haut. AK-47, c'est pas un pistolet là-haut. Je vais la chercher en Merco à 45. C'est pas ma faute à moi, c'est repas en scène. J'ai grossi de la taille, je fais du 46. Y'en a beaucoup pour réussir, ils sont passés par en dessous. Moi je perds pas le nord, je vais passer par Annecy. Et ne parle pas des gens, tu sais pas ce qui peut t'arriver dans la vie. Tu es devenu bizarre, pourquoi tu fais comme ça, non, tu es c'est pas mon ami. Lol, n'importe qui peut te faire la peau. L'alcool c'est pas de l'eau, ça peut te tirer dans le dos. Je vis ma vie, faut pas me casser les couilles. RS3 pas de plaque, faut esquiver la fouille. Dans la cahier y'a des requins, par terre y'a des douilles. Baba je me débrouille, ne t'inquiète même pas pour le reste. Grandis sur le terrain, pas la tête à faire la mala. J'écris seul, pas besoin de DA, quelques millions c'est l'idéal. Disque comme un pirate, on marque des buts pendant qu'il rappe. Faut des projets durables et dépenser l'argent du rap. Wesh le J c'est comment, il parle trop ses commères. Je vais pas changer pour du buzz, allez tous niquer vos mères. Il est plein d'accents de bolos, il va finir par glisser. J'ai pas fini le lycée, j'ai fini d'escolariser avec Gosier. C'est des fous alliés, tout ça pour mailler. Tes malheurs trous de balle, ce qu'on leur insère. J'préfère être sincère, quitte à me faire noyer et prendre l'escalier, que sucer ces fils de pute dans l'ascenseur pour me faire choyer. J'vois que des menteurs, vous faites pas les stars dehors. Y'a que dans vos clips que vous faites des transacs avec des sacs de drogue. On veut le monde chico, on veut rien à part le globe. J'peux claquer l'avance de l'album dans la garde-robe. Et y'a plus de ce plat dans la stone ni dans mon corazon. Tu me verras pas faire le bander d'homme, peu importe la somme. Tu verras pas ça de sitôt, aquarium dans le vito. C'est pas Despacito, c'est le grand classico. Et ne parle pas des gens, tu sais pas ce qui peut t'arriver dans la vie. Tu es devenu bizarre, pourquoi tu fais comme ça, non, tu es c'est mon pas ami. Lol, n'importe qui peut te faire la peau. L'alcool c'est pas de l'eau, ça peut te tirer dans.